Sentez-vous bien sur Fadjet, votre rendez-vous santé avec Thomas et Julien, l'émission qui ne vous veut que du bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure de se retrouver sur Radio Fadjet dans votre émission Sentez-vous bien, spéciale diabétonique en duplex, en direct live depuis la place Léopold à Lunéville. Car oui, le diabétonique c'est l'événement en Lorraine, chaque année ça se fête ensemble et en direct sur Fadjet. On vous attend nombreux et nombreuses à nos côtés sur ce duplex créé spécialement pour vous, place Léopold. Vous ne serez pas déçus, plein de surprises vous attendent durant cette journée. Tout d'abord Thomas, le diabétonique c'est quoi ? Le diabétonique c'est la manifestation publique et populaire centrée sur le diabète, une maladie malheureusement encore trop fréquente en France et en Lorraine. Organisée par l'association Les Diabétiques de Lorraine en partenariat avec la ville de Lunéville, un diabétonique se déroule aujourd'hui, vendredi 10 juin, de 10h à 19h, place Léopold. Et en quelques mots, quels sont ses objectifs, Thomas? L'objectif important de cet événement unique en Lorraine a comme mot d'ordre information, prévention. Et tout ce système ne fonctionnerait pas sans vous et sans la récolte de fonds destinés à la recherche contre le diabète. Le but de cette manifestation est de sensibiliser le grand public au diabète et à l'intérêt d'une activité physique régulière et d'une alimentation équilibrée pour minimiser le risque de développer cette maladie ou pour en diminuer ses effets. Sur place, des patients experts et les membres de l'association des diabétiques de Lorraine seront présents, bien sûr, mais pas que. Le service de diabétologie de l'hôpital de Lunéville, des diabétologues, des nutritionnistes, infirmières, pharmaciens seront là pour fournir de précieux conseils et répondre à toutes vos questions en direct durant cette émission spéciale. Il faut savoir que la première manifestation diabétonique a eu lieu en 2009 à Lunéville et depuis elle fait sensation chaque année au cœur de la ville, place Léopold. Et qui dit fête unique dit programmation unique sur Radio Fadjet. Durant toute la journée, on aura le plaisir de se retrouver à midi, à 14h et à 17h pour partager ensemble cette journée. D'ailleurs, tu es prêt Julien ? Complètement, pour cette journée riche en émotions, en actions et en surprises. Yes, à mes côtés également la personne sans qui rien serait possible et qui nous suit, nous soutient depuis des années, docteur Vanessa Vu, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être à mes côtés en direct sur Radio Fadjet. Vous êtes médecin, chef de service de médecine B au centre hospitalier de Lunéville et organisatrice de cette journée spéciale diabétonique. À quoi sert le diabétonique? Pourquoi organiser un tel événement? Quel sera le programme? Les réponses avec vous dans quelques instants. À mes côtés également, monsieur Philippe Bouc, bonjour. Oui, bonjour Thomas. Vous êtes directeur adjoint au centre hospitalier de Lunéville. Merci d'être à nos côtés sur Radio Fadjet en direct live depuis notre duplex Place Léopold. Grâce à votre implication et vos actions, ces événements publics et festifs ont lieu. Pourquoi une telle implication? Qu'est-ce qui vous motive à réaliser de tels événements et quelles surprises vous attendent? Les réponses avec monsieur Philippe Bouc dans cette première émission. Quant à nous, on vous attend plus que jamais pour cette émission spéciale et en public Place Léopold à Lunéville. Sentez-vous bien, votre rendez-vous santé en Lorraine sur Fadjet. Mais avant de se pencher sur cet événement spécial, le diabétonique en direct de Lunéville, nos fidèles auditeurs le savent, place à l'actualité santé. T'es prêt Julien? On y va? Allez, on y va, c'est parti. Voici les titres du journal de la santé qui sont abordés aujourd'hui. Nous verrons tout d'abord un tout nouveau système de radiologie. Détecter de manière précoce les ulcères, une technique de radiologie interventionnelle permettrait d'éviter les amputations des personnes diabétiques. Un nouveau dispositif d'imagerie interventionnelle pourrait détecter de manière précoce les ulcères diabétiques et veineux et permettre une intervention adaptée. Rappelons que le but est de préserver la capacité de marcher des diabétiques. Tout à fait Julien, les chercheurs utilisent la radiologie interventionnelle qui permet la revascularisation des plus petits vaisseaux sanguins sous les genoux, dans la cheville et dans le pied. En utilisant l'imagerie pour s'orienter, le radiologue insère un cathéter par l'artère fémorale. Un ballonnet est gonflé pour ouvrir le vaisseau sanguin rétréci ou bloqué. Ce traitement peu invasif ne nécessite pas d'intervention chirurgicale et permet le retour du flux sanguin et l'apport d'oxygène dans le membre inférieur. Ça favorise ainsi le processus de cicatrisation. Le taux de réussite est énorme, presque 80%, ce qui réduit considérablement l'incidence de l'amputation et améliore grandement la qualité de vie des malades. Sauf si je me trompe Thomas, rappelons que 8000 diabétiques se font amputer par an malheureusement. Malheureusement oui Julien, en effet les personnes diabétiques peuvent développer une plaie du pied sans le réaliser en raison de la perte de sensation dans le membre inférieur. La dernière étude de l'association France Diabète a recensé 8000 amputations par an d'orteils ou de pieds. Que pensez-vous, docteur Vanessa Vu, de ce nouveau dispositif d'imagerie qui permet de détecter de manière précoce ces ulcères diabétiques? Je pense que c'est une très bonne chose. Effectivement, dans l'image populaire, le diabète est associé à des plaies, à des amputations. C'est encore malheureusement le cas. On sait que 15% des patients diabétiques auront une plaie. Parmi ces plaies, 15% s'infecteront et 15% de patients seront amputés. Donc le but, c'est vraiment de faire de la prévention et quand les choses sont déjà installées, de pouvoir agir au plus vite. Donc place à la prévention. Le manque de sommeil augmente les risques de diabète. Selon une étude réalisée à Chicago, le manque de sommeil réduirait la tolérance du corps humain au glucose et entraînerait également une résistance à l'insuline, une hormone de régulation du glucose. Ces personnes n'ont pratiqué aucune activité physique et se sont nourries sans contrainte pendant toute la durée de l'étude. En réduisant leur temps de sommeil de 8 heures à 5 heures par nuit, les taux de sucre de ces personnes étaient comparables à ceux des diabétiques. Le manque de sommeil associé à une alimentation trop riche ainsi qu'à une absence d'activité physique augmenterait donc ainsi le diabète. Que pensez-vous à ce sujet, une réaction, docteur Vuo, l'impact sommeil-diabète? Alors, pour le sommeil, avant de devenir diabétique, on sait qu'il y a des choses, mais rien n'est encore affirmé totalement. Par contre, les diabétiques qui dorment mal, quand on regarde leur glycémie, on sait tout à fait, on constate une glycémie qui est plus haute le matin. Et les patients qui nous décrivent des troubles du sommeil sont des patients que nous explorons dans un laboratoire du sommeil que nous avons au centre hospitalier. Donc, on sait tout à fait l'importance du sommeil pour un patient diabétique. Donc, l'amélioration du sommeil améliore de manière globale l'hygiène de vie et donc le diabète. Les antibiotiques pédiatriques favorisent le prédiabète. Les jeunes enfants qui prennent des antibiotiques susceptibles de perturber l'écosystème microbien de leur intestin seront plus sujets à développer un diabète à l'adolescence, selon les résultats d'une étude présentée récemment. En réalité, les antibiotiques détruiraient la flore intestinale à l'origine de ce trouble. Exact, Julien. Les scientifiques ont observé que les participants prédiabétiques ont pris en moyenne 3 des antibiotiques durant leur petite enfance, soit de la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. Ces adolescents sont 10 fois plus susceptibles d'avoir pris des antibiotiques de la naissance à l'âge de 3 ans. Ils sont presque 2 fois plus susceptibles d'avoir des antécédents familiaux de maladies auto-immunes comparés au groupe témoin. Cette étude a montré que les participants prédiabétiques présentent en particulier un nombre réduit d'unités formant des colonies. Or, ces espèces nourrissent les bactéries bénéfiques de l'intestin. Leur épuisement conduit à des changements défavorables dans le microbiote qui peuvent expliquer le développement du prédiabète. Justement, docteur Vuo, quel est l'impact entre ce microbiote et le prédiabète? Et qu'est-ce que le prédiabète? Alors là, je pense qu'on aborde plutôt le diabète de type 1. Donc le prédiabète, dans ce cadre-là, ne se diagnostique pas sur une prise de sang. C'est plutôt le phénomène qui se passe avant la destruction totale des cellules du pancréas, qui se passe dans un diabète de type 1, où il y a toute une phase de compensation. Alors c'est vrai que les antibiotiques ont un impact réel. Un parallèle à cela, on sait qu'une trop grande propreté, donc il ne faut pas se méprendre sur ce que je dis, entraîne un surrisque de maladies auto-immunes. En Europe, d'ailleurs, dans les pays scandinaves qui ont, ils sont pas plus propres que nous, mais ils ont, disons, un mode de fonctionnement un peu différent. Il y a beaucoup plus de maladies auto-immunes que chez nous ou sur nos voisins méditerranéens. Car cassons une fois pour toutes cette idée reçue, toutes les bactéries ne sont pas mauvaises. Non, il y en a des très bonnes. Le gène de l'espérance de vie fonctionne avec de l'activité physique. L'espérance de vie serait liée à un gène, mais son efficacité ne serait perceptible que s'il est combiné avec une activité physique, selon les résultats d'une étude récente publiée dans la revue médicale Oncotarget. Il existe un gène dans le système de dopamine du cerveau qui joue un rôle important dans la prolongation de l'espérance de vie, mais uniquement s'il y a pratique d'activité physique. Ce gène du récepteur D2 de la dopamine... Et non pas R2D2, Julien, je te vois venir. Non, ne t'inquiète pas, j'y pensais pas. Ça modifie l'espérance de vie, le poids, l'activité physique, mais uniquement lorsqu'il y a un mode de vie qui intègre une stimulation intellectuelle, l'interaction sociale, et quand il est stimulé par la pratique d'une activité physique. On invoque généralement les gènes dans la longévité, alors que les différences individuelles de longévité dépendent en réalité d'une interaction complexe entre la génétique et l'environnement. Donc, conclusion, bougez plus ou vivre plus longtemps. Et puisqu'on vous attend en direct depuis le Diabétonique à Lunéville, bougez et venez nous rejoindre. Place Léopold, on vous y attend toute la journée. Sentez-vous bien, votre rendez-vous santé en Lorraine sur Fadjet. Génial, ne bougez pas, la première partie de Sentez-vous bien est à présent terminée, mais d'autres surprises vous attendent durant cette première émission spéciale diabétonique. Avant de s'y consacrer, on s'écoute tout de suite Maroon 5, va tout de suite dans votre émission santé sur Fadjet. Summer, I'm in a trance of something. Her mind is not. see her dancing in the street, sipping champagne on the beach. It's so expensive what she eats, 'cause she's so fancy, 'cause she's so fancy. Maroon 5, bienvenue à tous, ne bougez pas, on est bien, on est sur Radio Fadjet dans Sentez-vous bien en direct live depuis la place Léopold à Lunéville pour l'événement Diabétonique. Justement, qu'est-ce que le Diabétonique? Depuis quand existe-t-il? Pourquoi organiser un tel programme? Quelles surprises vous attendent? Les réponses dans la suite du programme. Docteur Vanessa Vau, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être à mes côtés en direct sur Radio Fadjet. Vous êtes médecin, chef de service de médecine B au centre hospitalier de Lunéville et organisatrice de cette journée spéciale diabétonique. Première question, docteur, à quoi sert le diabétonique? Alors le diabétonique, si on prend un petit peu l'historique, c'était initialement une mission d'information sur le diabète et ses risques. Très rapidement, une mission de prévention et de récolte de fonds pour la recherche sur le diabète. Donc une récolte de fonds et depuis quand existe-t-il? Alors la première édition, c'était en 2000 à Épinal et en fait en 2016, donc c'est la 16e édition du diabétonique. Elle a longue vie cet événement. Oui, c'est un événement auquel le service tient à cœur et qu'on poursuit avec plaisir. Pourquoi organiser finalement un tel événement et pas un événement plus intime au sein du centre hospitalier? Pourquoi le vouloir aussi festif sur une place? Pour cibler une autre population, on se dit que sur le centre hospitalier, ce sont soit des patients qui viennent consulter et qui ont peut-être d'autres choses en tête que de penser au diabète, et des familles qui viennent visiter leurs proches. Et on se dit que sur la place publique, c'est des patients qui viennent, ou alors des gens qui traversent simplement la place et des gens qui veulent participer à une manifestation sportive. Donc cibler vraiment tout public pour la prévention. Participer notamment au programme qui sera riche, je crois. On débutera par une marche sportive. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est Sandrine Marin, l'infirmière qui travaille avec moi, qui va vous présenter le programme. Sandrine Marin, bonjour, merci d'être à mes côtés dans Sentez-vous bien sûr Fadjet. Alors dites-nous, quel programme nous attend aujourd'hui? Bonjour Thomas. Donc cette édition 2016 va débuter par une marche sportive vers 11h et se terminera par une course à 17h30. Durant la journée, vous pourrez vous informer sur des stands médicaux, paramédicaux et diététiques. Un parcours sportif sera proposé avec les pompiers. Présence du basket club de Lunéville. Carrément. Carrément, oui. Et l'orange bleu, où step et yako combat, c'est-à-dire un cours de cardio inspiré des arts martiaux, sera proposé. Génial. Cet après-midi, participation des enfants de la ville dans le cadre des nouvelles activités périscolaires. Et toute la journée, très important aussi, vente d'enveloppes surprise toutes gagnantes et une grande tombola à 17h. Une tombola avec de magnifiques lots, me semble-t-il, plus de 18. Oui, tout à fait. Le premier lot étant un maillot de foot pour l'Euro 2016. Et puis d'autres lots. On va parler d'un baptême en avion. Oui, c'est ce que j'allais dire, tout à fait. Oui, un baptême de l'air en avion à l'aérodrome près d'ici. Une descente en kayak, des bons repas. Tout à fait. Oui. Donc, tout de très beaux lots. Merci beaucoup Sandrine. Sentez-vous bien. Après ces généralités, nous allons voir plus en profondeur tous les aspects de cette maladie durant cette journée spéciale diabétonique à Lunéville. L'occasion de s'y retrouver, d'échanger et d'évoquer notamment l'implication du centre hospitalier de Lunéville avec Monsieur Philippe Bouc, directeur adjoint au sein du centre hospitalier. Monsieur Philippe Bouc, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être à nos côtés sur Fadjet dans Sentez-vous bien. Vous êtes directeur adjoint du centre hospitalier de Lunéville. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer ces fonctions? Qu'est-ce qui vous motive? J'ai rejoint le centre hospitalier de Lunéville en avril 2014, un établissement de proximité pour proche de la population, avec une équipe médicale motivée. Qui s'implique. Qui s'implique et on le découvre à nouveau aujourd'hui. Chaque année, votre centre hospitalier s'implique également pour l'organisation de cet événement spécial. Pourquoi Diabétonique vous tient-il spécialement à cœur ? Comme l'a dit le docteur Vouault, la prévention est un élément fondamental en termes de santé publique. D'autre part, un hôpital tel que celui du centre hospitalier de Lunéville au service de la population se doit, d'ouvrir ses portes, mais même se déplacer pour pouvoir accueillir la population et l'informer et la faire participer. Car aujourd'hui, il y a moins de clivages, le centre hospitalier n'est plus hermétique, mais c'est vraiment un lieu où se rassemblent patients, mais également passants. Oui, tout à fait. J'en veux pour preuve également la création d'un service d'hospitalisation à domicile depuis janvier 2015. Dorénavant, l'hôpital est également hors les murs, si je puis dire. Qu'attendez-vous particulièrement de cette journée diabétonique ? Alors, un désenclavement, on vient d'en parler, de la communication, la participation également de la population. Il fait beau en plus, donc vous pouvez venir nous rejoindre. Le beau temps est également présent aujourd'hui. On a de la chance. Et tout à l'heure, même vous me disiez qu'une association handisport spontanément s'est proposée pour participer cet après-midi. Tout à fait. Si des associations veulent nous rejoindre, vous pouvez venir nous retrouver place Léopold à Lunéville. Si Diabétonique se résumait en un mot, ça serait quoi, monsieur Vouquin ? Pour moi, c'est véritablement la prévention. Prévention, et tout à fait. C'est sans doute ce qui est en termes de santé publique en France, c'est peut-être, si vous voulez, ce qu'il faut encore et davantage développer. Oui, prévention. Pensez-vous que Diabétonique aurait autant de succès après toutes ces années ? Pensez-vous que ça prendrait finalement une telle ampleur ? Le milieu hospitalier est un milieu dynamique qui sait entraîner les différents acteurs, la population. Et donc ça fait 16 ans que Diabétonique existe son succès ne se dément pas. Et par rapport au succès, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années à venir ? Pour le Diabétonique, toujours un maximum de participation, un maximum de fonds également pour pouvoir faire avancer la recherche contre le diabète. Tout à fait. On a besoin de vous pour faire avancer cette recherche. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Bouc, pour toutes ces réponses. Sentez-vous bien, votre rendez-vous on est bien, santé ne bougez en Lorraine pas, sur Fadjet. On est bien, ne bougez pas, restez avec nous sur Fadjet en direct de Lunéville dans votre émission spéciale Diabétonique. D'ailleurs, qui dit diabétonique dit diabète, mais finalement, c'est quoi exactement le diabète ? Le vrai du faux, avec les idées reçues sans tarder, avec Dr Vanessa Vouault, chef de service et spécialiste de la question. Vanessa Vouault, vous êtes chef de service de médecine B et spécialiste de la question du diabète. Les affirmations sur le diabète sont nombreuses, il est difficile de s'y retrouver. Comment avoir les bonnes informations ? On va tester nos connaissances ensemble. Alors, idée reçue numéro 1, je ne me sens pas malade, donc je n'ai pas le diabète. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Le diabète est une maladie silencieuse. Son diagnostic repose sur une prise de sang quand les choses sont faites à temps. C'est l'idée, que ce soit fait à temps par une prise de sang chez votre médecin traitant. Donc le diabète se développe de manière silencieuse et peut passer longtemps inaperçu. 2 grammes de sucre par litre dans le sang est un signe de diabète. C'est vrai ou c'est faux ? Oui, c'est vrai. 2 grammes en journée, enfin, à n'importe quel moment de la journée, c'est anormal dans une prise de sang. 3e idée reçue, c'est une maladie qui concerne d'abord des personnes en surpoids. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on est à côté de la plaque ? Alors, pas que les personnes en surpoids, il y a plusieurs types de diabète, hein, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, les diabétiques de type 1, qui est une maladie auto-immune, il y a les diabétiques de type 2, qui sont des patients en surpoids, mais pas toujours, et puis il y a les diabètes qui sont induits par des traitements, comme les traitements par cortisone, par exemple. Donc même si le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique sont des facteurs de risque, il existe des familles de diabétiques minces, et la génétique, l'hérédité a une part également à jouer. On passe à une autre idée reçue, on attrape le diabète quand on mange trop sucré. Alors non, pas quand on mange trop sucré. C'est vrai que le diabète, c'est lié à un taux de glycémie, donc un taux de sucre, mais c'est pas l'alimentation sucrée. C'est l'ensemble de l'alimentation, qu'elle soit grasse ou en quantité trop importante, et le manque d'activité physique qui entraîne l'apparition d'un diabète. Donc attention, il n'y a pas que le sucre, il y a tous les produits gras qui peuvent prendre du poids et favoriser le diabète, notamment de type 2. On passe à une seconde idée reçue, les diabétiques ne peuvent pas pratiquer d'activité physique. C'est faux. Au contraire, il faut qu'ils pratiquent une activité sportive. Ça permet d'améliorer leur diabète et d'éviter des complications. Bien sûr, il y a des sports qui peuvent être déconseillés pour des patients qui auront un traitement intensif, notamment avec plusieurs injections d'insuline par jour. Où là, si le diabète n'est pas tout à fait bien équilibré, il y a quelques risques pour des sports comme la plongée ou l'escalade. Il faut quand même être vigilant. Donc, il est important de bien planifier un complément de son traitement, une activité physique régulière avec son médecin. Seconde et autre idée reçue, le diabète peut rendre aveugle. Est-ce que c'est vrai, docteur ? Oui, tout à fait. Ça fait partie des complications qu'on essaie d'éviter. C'est la rétinopathie diabétique. Première cause de cécité, je crois, entre 20 et 60 ans, malheureusement. Oui, tout à fait. Ce niveau de l'irrigation de la rétine, je crois, qui pose problème. Oui, tout à fait. Il y a des petits vaisseaux qui deviennent occlus au niveau de la rétine et des vaisseaux qui n'ont rien à faire là, qui viennent abîmer la rétine et donc entraîner un trouble visuel. Donc de manière globale, le diabète peut être source de handicap assez invalidant ? Oui, tout à fait. Imaginons un patient qui a une rétinopathie diabétique et qui a une baisse d'acuité visuelle, qui aurait aussi d'autres complications liées au diabète avec des plaies ou des problèmes cardiaques. Ça peut être rapidement très grave. Ce n'est pas une maladie à prendre à la légère. Sans oublier les amputations en plus des problèmes cardiaques. Tout à fait. Dernière idée reçue, le diabète ne touche pas les jeunes. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Le diabète touche des patients de plus en plus jeunes, même des patients qui ont à peine une vingtaine d'années. Et je parle pour le diabète de type 2, voilà, avec les modifications alimentaires de ces dernières années et le rythme de vie. On parle même aux États-Unis du développement des diabètes de type 2 chez les adolescents de 15 ans. Donc l'âge d'apparition de diabète de type 2 diminue d'année en année dû à la modification du mode d'alimentation et un apport trop riche en sucre, en graisse et la baisse d'activité physique. On dit souvent, est-ce que c'est une idée reçue, que le diabète est une maladie de plus en plus répandue malgré la prévention ? C'est effectivement une maladie de plus en plus répandue. Le rapport de l'OMS de 2015 a mis en évidence la progression du diabète dans le monde et en France également, malgré effectivement tous les messages de prévention qui sont diffusés dans les médias et le message qui est aussi diffusé par les professionnels de santé. D'où l'intérêt de respecter une bonne hygiène de vie. C'est le moyen le plus efficace d'endiguer la maladie. Sentez-vous bien, votre rendez-vous santé en Lorraine sur Fadjet. Bienvenue à tous, si vous venez de nous rejoindre sur Radio Fadjet, vous êtes en plein cœur de votre émission Sentez-vous bien spéciale diabétonique en direct depuis la place Léopold à Lunéville. Avant de retrouver à nouveau nos invités pour la suite de l'Instant Vérité, pause musicale sur Fadjet. On s'écoute tout de suite Asaf Avidan. A tout de suite sur Radio Fadjet. Of the past are spinning down towards the Gaia, and the sinuous truth of voice is stretching up forever higher. Leaves of places, leaves of friends are blowing in the wind and falling, but my ship calls through the rain to the place that I am going. Endless time ago, you gotta let it go. about to be mistaken. It was an endless time ago. You gotta let it go. Sentez-vous bien, votre rendez-vous santé en Lorraine sur Fadjet. Assaf Avidan, bienvenue à tous. Si vous venez de nous rejoindre sur Radio Fadjet, vous êtes en plein cœur de votre émission Sentez-vous bien spéciale diabétonique en plein cœur de Lunéville. D'ailleurs, quel programme et quelle surprise vous attendent tout au long de la journée? Les réponses de suite avec Dr Vu, organisatrice de la journée. Dr Vu, quelle surprise nous attendent aujourd'hui? Quel programme va-t-on retrouver jusqu'à 19h? Alors, à 11h, c'est le début d'une marche. Donc, le point de départ, c'est la place Léopold et on se dirige vers le parc des Bosquets juste à côté. Bien sûr, le reste de la journée, on sera aussi avec vous, alors mes collaboratrices qui seront là. Il y a une course qui terminera la journée, départ place Léopold et sur tout un parcours au niveau du parc des Bosquets. Dans la journée, donc, il y a différentes animations. Il y a le club de basket qui est là pour petits et grands. Il y a le club sportif de l'Orange Bleu qui proposera cet après-midi une animation avec du step et du yako combat. Donc c'est vraiment pour tout âge. C'est pour tout le monde et pour tout âge. On a parlé d'un challenge inter-service. Il y aurait de la concurrence au sein de vos services? Oui, on a essayé de mobiliser un maximum de personnes. On verra sur place qui est effectivement là. Et voilà, le but c'était de mobiliser le personnel de l'hôpital à notre manifestation. Merci beaucoup, Dr Vu, pour toutes ces réponses. Merci à vous tous, chers auditeurs, d'avoir partagé avec nous ce premier direct diabétonique à Lunéville. Merci à Elodie de la boutique SFR Place Léopold pour assurer cette retransmission en direct. Et surtout, merci à toutes les personnes présentes sur place. Nous vous attendons plus que jamais pour nous rejoindre et continuer cette fête Place Léopold avec, à 11h, la marche au Bosquet pour seulement 2 euros pour faire avancer la recherche contre le diabète. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres surprises en compagnie de mes invités, Dr Bignon et Marie Cérégeau. À tout à l'heure sur le 94.2 FM et à tout de suite, place Léopold à Lunéville.